Voici notre compte, jeune homme. Nous avons, là-bas, papa, maman, grand-tante, deux sœurs, 18 et 17 ans, deux petits frères, 15 et 10. Voilà le contrôle de l'équipage. La tante élève vos sœurs. Le curé vient apprendre le latin aux deux frères. La famille mange plus de bouillie de marron que de pain blanc. Le papa ménage ses culottes. Maman se donne à peine une robe d'hiver et une robe d'été. Nos sœurs font comme elles peuvent. Je sais tout. J'ai été dans le midi. Les choses sont comme cela chez vous. Si l'on vous envoie 1200 francs par an et que votre terrine ne rapporte que 3000 francs. Nous avons une cuisinière et un domestique. Il faut garder le décorum. Papa est baron. Quant à nous, nous avons de l'ambition. Nous avons les Beaucéans pour allier et nous allons à pied. Nous voulons la fortune et nous n'avons pas le sou. Nous mangeons les ratatouilles de Madame Vauquet et nous aimons les beaux dîners du Faubourg Saint-Germain. Nous couchons sur un grabat et nous voulons un hôtel. Je ne blâme pas vos vouloirs. Avoir de l'ambition, mon petit cœur, ce n'est pas donné à tout le monde. Demandez aux femmes quels hommes elles recherchent. Les ambitieux. Les ambitieux ont les reins plus forts, le sang plus riche en fer, le cœur plus chaud que ceux des autres hommes. Et la femme se trouve si heureuse et si belle aux heures où elle est forte qu'elle préfère à tous les hommes celui dont la force est énorme, fût-elle en danger d'être brisée par lui.